Around the world, around the world. She's up all night to the sun. She's up all night to get sun. Work it, make it, do it. Ouais, petite anecdote sur Daft Punk. 1997, j'ai 18 ans, je fais des études où j'ai pour la première fois accès à Internet. Et une recherche bête, page blanche, je tombe sur Guy Manuel de Homem Christo. Je compose le numéro, je tombe sur une petite dame âgée, puis elle me dit, mais peut-être que vous parlez de mon petit-fils ? Elle me dit, oui, il est dans un groupe, avec un certain Thomas. Oui, c'est ça. Je dis, mais je suis super fan, j'aimerais juste pouvoir lui dire merci. Elle me dit, oh mais c'est super que vous soyez aussi fan. Attendez, je vous donne le numéro de son père. She's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky. Alors, fébrilement, j'appelle le père, je tombe sur une grosse voix. Il me dit, ouais, Emmanuel, il est à New York en train d'enregistrer ou de mixer, mais rappelez plus jamais. Break it. Around the world, around the world. Oui, donc concernant le rapprochement entre hip-hop et électro, en 2002, sur le deuxième album du groupe 113, il y avait une collab entre les Daft et le 113, notamment sur le morceau 113 pour la merde. Monsieur Zygriste, vous êtes quelqu'un d'hautement méprisable, incapable de la moindre impartialité. Même dans vos éditos, début d'émission, vous trouvez le moyen de souhaiter la mort de Batman. Les masques tombent. Honteux, méprisable. Harder, better, faster, blockbuster. To be or not to be, not to be. Persona, ça parle de cette période que beaucoup regrettent, l'adolescence. Mais alors là, moi, l'adolescent, je regrette pas ça du tout. On me dit souvent que j'ai des goûts d'adolescent attardé, mais vraiment, ça pourrait pas être plus éloigné de la vérité, pour la bonne et simple raison qu'adolescent, j'avais pas les moyens d'avoir des goûts. Adolescent, j'avais pas une thune, pas de copine, rien. L'adolescence, c'est l'anagramme de déception, si t'es pas bon en orthographe. Adolescent, tu te rends compte que t'as pas le corps que tu veux, t'as pas la voix que tu veux, le régisseur son de tes cordes vocales, c'est un technicien en période d'essai, à l'école, t'as pas les fringues que tu veux, un conseiller t'explique que t'auras pas l'orientation que tu veux, les profs te disent que t'auras pas le métier que tu veux, les filles t'expliquent que t'auras vraisemblablement pas la copine que tu veux, si t'es homosexuel, tu vas commencer à te poser des questions que tu devrais jamais avoir à te poser, est-ce que la société va me laisser avoir la sexualité que je veux ? Franchement, adulte, j'ai peut-être perdu mes cheveux, mais j'ai gagné tellement d'autres choses. Dire que je suis un adolescent attardé parce que j'ai décidé de ne pas attendre d'avoir cotisé toute ma vie pour me faire plaisir, ça pourrait pas être plus faux. C'est pourquoi au lieu de dire que je suis un adolescent attardé, je préfère qu'on dise de moi que je suis un retraité précoce. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Je suis toi. Tu es moi. Quand mes deux yeux sont ouverts, tu... Il est temps maintenant. Cette voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Si des franchises telles que Final Fantasy ou Dragon Quest restent des références en matière de jeux de rôle japonais, certaines autres licences ont su se faire une place au soleil et sont devenues un objet de culte auprès de certains joueurs du monde entier. La saga Persona en fait partie. Persona 3 et 4 se sont vendus à plus de 7 millions d'exemplaires, et Persona 5 sur PlayStation 4 est un des plus gros succès du genre ces derniers mois. Pour revenir sur cette saga mythique, j'ai avec moi des gros fans. Thomas Hercouet, bonjour. Salut Frédéric. Vous êtes community manager pour Topito, streamer sur Twitch, et vous allez sortir un livre chez Flammarion le 26 août intitulé « Comment j'ai tué mon ange gardien », un ouvrage dont l'histoire a été un petit peu inspirée par Persona 4. Ah, un petit peu, ouais. Avec nous, celui qui fut le premier à évoquer Persona sur cette antenne. Un homme à qui je veux officiellement souhaiter un joyeux anniversaire avec une semaine de retard. J'attendais mon moment, c'est maintenant. Mon camarade Olivier Bénis. Salut Frédéric, ça va ? Oui, très bien. Alors je rappelle, vous êtes journaliste à la rédaction numérique de France Inter et on vous retrouvera à la rentrée avec votre chronique La faute aux jeux vidéo tous les mardis matins dans le 5-7. C'est ça, 5h53. Et enfin, Bérangère Prévost, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes guitariste du groupe Nebraska et vous allez jouer à l'Aéronef de Lille le 11 décembre prochain, oui, en première partie de Mademoiselle K. Et vous êtes aussi vidéaste et photographe, vous réalisez notamment des clips et êtes passionné de jeux vidéo. Voilà. Ensemble, on va revenir sur l'histoire de Persona, son concept, son sous-texte, en quoi ces jeux parviennent à tisser un lien si particulier avec les joueurs. On parlera de l'évolution de cette saga, particulièrement remarquable depuis l'épisode 3, des déclinaisons qui en découlent. Bref, on va tenter de vous faire comprendre pourquoi Persona est ce qui est arrivé de mieux aux jeux de rôle sur console depuis des années. Bienvenue dans ma Velvet Room. Elle se trouve entre rêve et réalité, entre l'esprit et la matière. Je suis Igor, le maître des lieux. Souviens-t'en. Cela dit, je suis surpris. L'apparence de cette pièce est le reflet de ton cœur. Et il ne s'agit ni plus ni moins que d'une prison. Tu es prisonnier de ton destin et voué à une mort certaine dans un avenir proche. Silence, détenu. Tu es en présence du maître. Inutile de paniquer. Il reste un seul et unique moyen d'échapper à ton sort. Nous nous reverrons bientôt. En attendant, tu peux retourner dans ton monde. Alors, inutile de chercher la véritable version française de Persona, parce que tous les extraits que vous allez entendre ont été doublés en interne par les équipes de France Inter. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que cette émission a été réalisée hier par Céline Hila, aujourd'hui aussi, et sûrement demain, parce que personne d'autre veut travailler avec moi. Jeanne Paravert, Sarah Masson font toujours leurs travaux d'intérêt généraux en préparant cette émission, et Tom Malky continue d'être exploité en tant que stagiaire, parce qu'il a toujours pas trouvé la sortie. C'est bien légitime. Alors, ben, c'est bien légitime. Alors, Olivier Bénis, Persona, c'est une franchise qui remonte à quand ? Ça remonte à la fin des années 90, je crois que le premier épisode c'est 1996. À la base, faut savoir que c'est pas une série principale, c'est que c'est une série dérivée d'une autre série de jeux vidéo, de jeux de rôle japonais, qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui pour le coup est beaucoup resté au Japon en fait, qui a très très peu trouvé de l'export. Et puis cette série dérivée Persona était peut-être un peu plus accessible, un peu plus facile à exporter, un peu moins complexe, avec moins dark aussi. Voilà, un peu moins, beaucoup moins sombre honnêtement, parce que les Shin Megami Tensei c'est souvent des histoires d'apocalypse. Oui, c'est des démons qui vivent dans des ordinateurs, etc. Exactement. Avec des histoires de sacrifice humain, c'est vraiment... Quand on va pas bien, c'est... pas joyeux. Non, c'est pas très joyeux. Alors que les Persona ont un univers plus coloré, plus déjanté. C'est des histoires qui tournent beaucoup autour de lycéens, qui découvrent un petit peu le monde des adultes et tout ce que ça a de sombre, et qui essaient de se battre contre ça, qui se révoltent énormément. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus culturellement accessible. Et donc, la série Persona a commencé en 1996 avec un premier épisode sur PlayStation, suivi d'un deuxième, puis d'une suite à ce deuxième épisode qui est donc le troisième épisode, puis de Persona 3 qui est donc le quatrième. Là, ça commence déjà à être le bazar. Et voilà. Et donc, on arrive le plus récent, Persona 5 Royal, qui est donc une version un peu étendue du Persona 5. J'espère que j'ai perdu personne en route. Ah, si, là, ils sont sur le bas-côté. Ils sont avec des. Non, des, tout ça pour dire que c'est une série. Hein. Voilà, c'est une série qui a une bonne grosse vingtaine d'années d'existence, qui est particulièrement culte au Japon, ouais, mais qui, depuis, on va dire, le troisième épisode, s'est créé une petite base de fans très soudés, de plus en plus grandes, et jusqu'à l'explosion du 5 qui a été un énorme succès mondial, un peu surprise, y compris je pense pour l'éditeur d'ailleurs, parce que il a traîné des pieds pendant très longtemps avant de vouloir traduire le jeu du japonais à l'anglais, puis un petit peu en l'étendant avec une traduction européenne, française, allemande, etc. Et donc voilà, ils ont traîné des pieds, ça a été beaucoup réclamé par les fans, et puis quand c'est arrivé, bah, ça a marché. On sait pas trop pourquoi, il y a eu une espèce de petit miracle qui fait que le 5 a très très bien marché, ce qui fait que bah, ça augure du mieux, enfin du meilleur pour la suite de la série. Thomas Hercouet. Oui. Alors, là, ça va être un défi de taille. Comment expliquer ce que raconte Persona ? Alors, pour moi, Persona, mais c'est peut-être un constat qui est très personnel. C'est que, pour moi, Persona... Ah, Persona, c'est... Persona, oui, il y avait un petit jeu de mots, effectivement. Oui, très bien. Non, mais je le note. Pardon, pour l'avoir vu. Je vais le mettre. Cinquième minute d'émission, petit jeu de mots très sympathique. Et ce n'est que la cinquième minute. Non, en fait, c'est un peu l'équivalent... Pour moi, c'est l'équivalent jeu vidéo de ce que Buffy a représenté à la télé. C'est-à-dire que Buffy, c'est une série fantastique où Buffy se bat contre des vampires. Mais À chaque fois qu'il y a quelque chose de fantastique ou un élément surnaturel dans la série, c'est pour mettre l'emphase sur une vraie question de vie adolescente et de ce que vivent les ados et de ce que traversent les ados. Persona, c'est pareil. Persona, il y a des histoires qui sont extrêmement fantastiques. Elles sont même, elles tournent parfois, enfin, elles touchent parfois un peu à la science-fiction. Parfois, elles touchent à des mystères, à des crimes. Enfin, il y a beaucoup de thématiques abordées qui sont très surnaturelles. Mais le succès de Persona vient du fait que ces thématiques-là viennent renforcer, en fait, des questions qui sont des questions que l'on se pose tous les jours. Qui on est vraiment? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Quel rapport est-ce qu'on a avec le monde extérieur, avec les autres, avec nous-mêmes? Et je pense qu'en fait, c'est tellement distrayant, c'est fun, c'est long, et ça parle de nous. Je pense que ça fait qu'au bout d'un moment, quand on plonge dedans, ça nous parle et on reste accro, quoi. Bérangère Prévost, vous venez de découvrir Persona avec le Persona 5. C'est ça. En fait, bon, je viens pas de le découvrir parce que Persona, j'en entends parler depuis presque aussi longtemps que je joue aux jeux vidéo, donc depuis 20 ans. Enfin, plus. Mais là, je me le suis acheté il y a une semaine et je me suis plongée dedans. J'ai voulu le rusher pour le faire d'un coup et en fait, c'était un peu une erreur. Oui. C'est impossible. Non, c'est pas possible. Ou alors, on va passer à côté de beaucoup de choses. Exactement. J'ai pris des coups. Et, ouais, je le découvre et moi, j'étais pas très JRPG à la base. JRPG, c'est donc jeu de rôle japonais. Voilà. J'avais un peu du mal avec le genre Final Fantasy et tout ça, et là j'accroche très très fort en fait. Et c'est parce que il y a une interface qui est déjà extrêmement bien faite, extrêmement efficace. Il n'y a pas de temps mort réellement. Il y a cet univers du quotidien japonais qui nous plonge dans Tokyo. Moi personnellement, ça m'a super plu parce que je suis allée à Tokyo et on retrouve complètement l'univers du Japon, etc. Et puis parce que ça parle un peu à l'adolescent, je dirais même encore plus à l'enfant qu'on a tous été à un moment, qui quand on jouait dans l'école, on rêvait de pousser la porte qu'on n'avait pas le droit de pousser, de se retrouver, on se racontait des histoires parallèles, on se racontait un truc avec ces armoires qui donnent sur un autre univers. Exactement. Et puis ce côté le voilà, on fantasmait, on retransformait tout, on transposait tout, et là on retrouve cette sensation. Alors il faut préciser pour les auditeurs qui chercheraient à recouper les points qu'en fait Persona se passe dans le Japon contemporain, et par un événement qui fait basculer certains protagonistes, ils se retrouvent dans un monde miroir, un monde parallèle de Japon, et qui est en fait plus ou moins l'illustration concrète de la psyché collective, c'est-à-dire de l'inconscient collectif. Et comme si du jour au lendemain vous ouvriez une porte et vous vous retrouviez dans une version de la France qui est la France de l'inconscient collectif. Et donc on a dans ce monde-là la possibilité d'éveiller des êtres surnaturels qui s'appellent des personas et qui vous confèrent des capacités spéciales, mais on va en parler un peu plus loin. Donc Thomas Hercouet, par quel persona avez-vous découvert la franchise et surtout lequel avez-vous préféré? Alors moi j'ai commencé à en entendre parler avec le 2, mais à l'époque j'avais pas la PlayStation. Je lisais que le jeu était très attendu dans les magazines, mais j'entendais parler de ce jeu vraiment à distance, mais j'ai vraiment commencé à me plonger dans Persona l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, dans une période où je me posais pas mal de questions sur ma vie. Et c'est un jeu que j'avais tenté plusieurs fois. J'avais tenté Persona 3, j'avais pas accroché. J'avais même tenté le 4 il y a quelques années, j'avais pas accroché. Et là, le fait d'être dans une période de questionnement, ça, je pense que le jeu m'a vraiment parlé. Et là, pour le coup, j'ai fait donc Persona 4, le 3 et je suis un bon morceau du 5. Et pour le moment, le 4, oui, il me parle beaucoup parce que c'est un. Déjà, faut préciser que tous les épisodes sont indépendants les uns des autres. Et dans le 4, c'est des détectives, enfin c'est une enquête, c'est une ambiance qui est adorable, et en fait on se retrouve happé, on sait pas trop comment, c'est là qu'on voit que le jeu vidéo est un art, c'est que quand on termine le jeu, on a l'impression de quitter une bande de potes, et quand on revient dans le jeu, on a l'impression de retrouver une bande de potes comme si on était au bar, et je connais pas beaucoup de jeux qui font cet effet là. Alors quand on passe des heures et des heures sur un jeu, la musique c'est plus qu'un accompagnement, c'est un souvenir, une promesse. Donc je sais que toutes celles et ceux qui vont entendre les prochaines notes vont immédiatement avoir le sourire aux lèvres en écoutant le thème de Persona 5. Allez, c'est cadeau. Blaming me. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter et nous sommes toujours avec le journaliste Olivier Bénis, l'auteur Thomas Hercouette et la musicienne Bérangère Prévost. Et on parle du jeu vidéo Persona dont vous venez d'entendre le thème. Ça suffit. Laisse-nous sortir. Et répondez. Vous êtes dans mon château. Vous devez m'obéir. Yamoshida ? Je m'attendais à un simple voleur. Mais c'est toi, Sakamoto ? Enfoiré. Qu'est-ce que tu fiches ? C'est quoi cette tenue bizarre ? C'est comme ça que tu t'adresses à un roi ? Tu ne comprends pas la situation. Vous êtes entré ici par effraction. Et vous m'avez manqué de respect. Je vous condamne donc à mort. À mort ? Ouvrez ! Et tuez-les ! Prends ça ! Déchaîne. Vermine. Il ne vaut même pas la peine d'être frappé. Finissons-en tout de suite. Non, je ne veux pas mourir. C'était un extrait de Persona 5 disponible sur PlayStation 4. Alors à France Inter, on a plein de répondeurs, mais il y a surtout The Répondeur, le répondeur de Blockbuster. Et le numéro c'est le suivant, 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20. Vous pouvez nous laisser un message sur Persona ou sur d'autres émissions qu'on a déjà fait ou qu'on va faire. C'est votre répondeur, n'hésitez pas. Si alors, vous voulez laisser le message en japonais, vous avez un bonus. C'est un bonus direct. Olivier Bénis, en quoi Atlus a voulu se distinguer de franchises telles que Final Fantasy ou Dragon Quest ? Il y avait vraiment, initialement, avec les Shin Megami Tensei, l'envie de faire une sorte de jeu de rôle un peu plus hardcore, pour plus vieux, plus mûr. Oui, je crois que vraiment le point clé, c'est la difficulté. C'est qu'on sent une difficulté à la fois au niveau de la manière de jouer, parce que c'est les Shin Megami Tensei, comme les Persona d'ailleurs, sont des jeux qui sont quand même assez durs. Les Persona ont fait de gros efforts en fait petit à petit pour intégrer de nouveaux publics qui soient pas complètement largués, mais voilà, c'est des jeux où ils avaient envie de faire un challenge vraiment un peu plus dur et plus difficile aussi dans les thématiques abordées. Comme on disait, Shin Megami Tensei, c'est un univers très très sombre. Persona, ça parle d'adolescence, mais ça parle vraiment, il y a des côtés joyeux, il y a le côté la vie lycéenne, il y a le côté les amis, la drague, les premiers rendez-vous, aller faire des jeux vidéo avec les copains, sortir au cinéma et tout ça. Et puis il y a aussi le côté très très sombre, les profs qu'on déteste, qui peuvent même parfois les profs aller, qu'on déteste et qui vous déteste. Et qui vous déteste. Enfin, Persona 5 a quand même des thématiques qui sont très très fortes. Il y a plus ou moins des histoires d'agression sexuelle par certains professeurs. Il y a des histoires de plus globalement de harcèlement, de maltraitance, de violence parentale, il me semble. Enfin voilà, il y a plein de thématiques très très dures qui sont abordées. Mais l'idée des créateurs, c'était vraiment de faire passer tout ça, comme disait Thomas, à travers des thématiques très fantasques, très barrées en fait. Enfin vraiment, c'est beaucoup d'humour très japonais, beaucoup de choses très colorées, des choses comme ça. Donc ça passe tout seul en fait au final, et ça fait passer pourtant des thématiques très difficiles et même des réflexions difficiles, parce que si on part du titre même du jeu, le Persona, ça fait référence à Jung, un des pères de la psychologie, la psychanalyse moderne, et ça fait référence justement à ces masques qu'on porte au niveau de la société et tout, et toute l'histoire des Persona est très particulièrement de Persona 5, parce que je trouve que c'est là que c'est le plus développé. C'est l'aboutissement, en fait, de ce qu'il voulait dire. Voilà, c'est ça. C'est le côté, ce passage entre l'enfance et l'âge adulte, où l'âge adulte est une espèce de succession d'ennemis, en fait. Alors, les adultes sont presque tous présentés comme des adversaires dans le jeu, jusqu'à ce que ça aille un peu plus profondément et qu'on comprenne que derrière tout ça, il y a des choses beaucoup plus complexes, que la psychologie des adultes est plus complexe, comme celle des adolescents. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, cette espèce de guerre entre l'enfance et l'âge adulte qui est totalement symbolisée par les affrontements qu'on a dans le jeu et par toutes les épreuves qu'on affronte, mais qui est aussi vraiment dans le cœur des personnages. Les personnages sont plus les mêmes en fait à la fin du jeu qu'au début. Ils ont grandi. Il y a une transformation psychologique très très forte qui se fait dans tous les personnages, et particulièrement dans le 4 et le 5, parce qu'en fait il y a cette idée que chacun se ment les uns les autres, c'est-à-dire qu'on a le masque social en fonction de qui on croit, son supérieur hiérarchique, son prof, ses parents, et en fait pour acquérir ce pouvoir de Persona dans cet autre monde, du memento, cet inconscient collectif, il faut réussir à s'accepter tel que l'on est et arracher ce masque de mensonge. Et c'est d'une grande violence dans le jeu. C'est-à-dire que ça a l'air un peu rigolo comme ça. C'est très manga dans la présentation du truc. Mais vraiment, le moment où chacun des personnages admet arrête qu'il n'est pas en fait qui il montre, arrête de se mentir et assume qui il est vraiment, il y a quelque chose de très brutal, y compris dans la mise en scène, en fait, qui est vraiment extrêmement bien faite. Et surtout, ce que je trouvais très très fort dans Persona 5, c'est que ça fonctionne pour chacun des personnages. C'est-à-dire que ça pourrait être un truc dont on se lasse, et à chaque fois, on a pour chacun des personnages un conflit particulier qui est particulièrement violent dans leur cœur et tout, et qui vraiment, enfin, il y a une catharsis en fait à assumer enfin qui on est et à assumer. Alors du coup, dans le jeu, c'est assumer son pouvoir, assumer le contrôle qu'on a de pouvoir plus ou moins magique, mais c'est vraiment le côté. Le premier pas vers l'âge adulte, en fait, qui est le plus difficile, c'est franchir cette porte-là, et une porte qui est très difficile à briser. Et dans cet autre monde, il y a des donjons à explorer qui sont manifestés par le ce qu'on appelle, notamment dans Persona 5, les palais d'adultes. C'est-à-dire comment certains adultes se voient eux-mêmes comme le roi d'un château ou des capitaines de vaisseaux spatiaux. Et donc, le donjon va ressembler à un vaisseau spatial, à un château. Et c'est comme si, par exemple, vous aviez la possibilité, je sais pas si c'est un nom comme ça, de rentrer dans la tête de Gérald Darmanin et que vous voyez comment il se perçoit, et ben vous allez évoluer dans un château qui sera décoré par la psyché inconsciente de Gérald Darmanin. Non, ça donc, pas du rêve. Non, mais voilà, il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est juste que ça se passe comme ça. Mais... Voilà. Tu ne diras pas à quel palais mental de Persona 5 ça peut correspondre. Exactement, non, moi je dis ça comme ça. Alors, il y a aussi le fait d'incarner un étudiant, un étudiant en plus qui ne parle pas, parce que les héros de Persona sont taiseux. Hein. Ouais. C'est des héros cool, qui. Voilà, et cool, silencieux. Et silencieux. Ouais. Et le fait d'incarner un étudiant filiforme comme ça, assez silencieux, permet aussi une sorte de projection de soi-même, Thomas Hercouet. Oui. En fait, c'est-à-dire que c'est un canevas. Le personnage principal, c'est un personnage qui est assez neutre, qui n'a pas vraiment de personnalité. Même les choix dans les dialogues qu'on fait sont assez limités. Parce que, en vrai, ce qu'on va vivre, le plus important, c'est pas le personnage qu'on incarne, c'est les liens qu'il va faire avec tous les autres personnages du jeu. C'est une composante qui est essentielle dans les jeux. Les relations qu'on a avec les différents personnages sont des éléments très importants pour évoluer dans le jeu. Et le jeu implique, on parle de donjon, mais il y a tout aussi une partie vie quotidienne derrière, et ça nécessite de vraiment écouter les histoires de personnages secondaires. Alors au début, ça paraît un peu complexe pour pas grand chose, mais merde, on s'attache en vrai. Ça devient des vrais personnages qui font partie de notre quotidien, et moi des fois quand j'y joue, ça me fait plaisir de retrouver des personnages secondaires pour entendre la suite de leur histoire et d'être en empathie avec eux. Mais d'ailleurs, les personnages secondaires les personnages secondaires sont même plus attachants que le personnage principal. C'est fait exprès. Qui a vraiment cette tenue complètement neutre. C'est pas lui qu'on a envie d'être, et en même temps c'est le héros typique, héros japonais typique. L'effet que ça, c'est qu'il existe en parallèle des jeux vidéo, il existe des animés de Persona. Il existe des films Persona 3, Persona 4, et le personnage parle dans ces animés, et là on le voit très pince en rire, et ça fait très bizarre de le voir, on a l'impression que c'est pas nous, quoi. Bon allez, j'ai envie de verser des droits SACEM à quelqu'un. Alors, 1, 2, 3... Malik Judy, je te choisis. Décroche-toi, sans tomber, les astres peints de désastre, l'instant irréversible, je ne suis qu'un passager. Mal à l'aise ici, pardonne-moi d'être tête en l'air, je t'agace à me laisser aller, mon utilité inutile, je me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Désolé, d'espace, j'ai besoin d'espace. plan asymétrique. J'ai pas les idées claires pour l'impossible. Pardonne-moi ma tête en l'air. Je m'agace à te laisser aller. Ton utilité inutile. Je me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Ne cherchez pas, Malik Judy n'est pas dans Persona, mais sa chanson Instant Réversible mériterait d'y être. Frédéric Sigrist. D'un côté. Blockbuster sur France Inter. Bérangère Prévost, il y a cette notion de double jeu dans Persona, on l'a dit, il y a une exploration de donjons dans ce monde de l'inconscient collectif, avec des rencontres avec des créatures à battre ou même à convertir dans certains cas, mais il y a aussi cet autre monde qui ressemble au quotidien, l'imagine, d'étudiants japonais, où on doit se faire des amis, des fois même avoir une relation sentimentale, un travail, réviser ses cours, on a des examens. C'est deux mondes parallèles. Quel effet ça vous a fait quand vous avez découvert cette dualité ? Moi déjà, j'adore. Moi, ce qui me fait rire dans le jeu vidéo, c'est et dans ce jeu, on le voit particulièrement, c'est ce truc où on pourrait croire que le jeu vidéo, c'est un média qui nous permet de vivre forcément une vie fantastique, incarner des personnages formidables, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que la plupart des jeux qu'on aimait quand on était petit, le truc qu'on aimait faire, c'était « Oh, regarde, j'arrive à tirer la chasse d'eau des toilettes !» Oh, le robinet s'allume, il y a de l'eau qui coule, waouh !» Et en fait, dans Persona, il y a tout cet aspect de vie quotidienne où on va aller prendre un bain, on va aller réviser ses cours à la bibliothèque, chose qui doit être... Voilà. J'ai plus révisé dans Persona que dans toute ma vie. Exactement, c'est ça que je veux dire. Et tout ce qui pourrait paraître rébarbatif dans la vie de tous les jours, dans un jeu vidéo, ça a toujours l'air génial et c'est quelque chose d'hyper excitant. Mais c'est l'école au Japon aussi, c'est la vie au Japon. Ça, c'est pas faux. Mais voilà, j'ai eu envie de manger des ramen pendant tout le temps où j'ai joué. D'ailleurs, j'y suis allée hier soir. C'est ce passage de cette vie à cette vie parallèle qui aussi nous rend la chose... on peut se projeter dedans. C'est-à-dire que c'est aussi ça qu'on rêverait d'avoir dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire pouvoir passer dans un autre monde sans en souffrir, finalement, aussi. C'est-à-dire pouvoir réintégrer sa vie de tous les jours sans être affecté physiquement, etc., entre guillemets. Et en plus, il y a une interaction entre ces deux univers. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans un univers a un impact sur l'autre. Et c'est d'ailleurs un point sur lequel j'aimerais revenir avec vous, qui m'a perturbé dans Persona et qui me perturbe toujours aujourd'hui. C'est un peu le côté opportuniste des interactions sociales. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis demandé si je voyais mes camarades de classe parce que j'en avais envie ou parce que je savais que ça allait développer des capacités genre intelligence, charisme, dextérité, qui allaient me rendre plus fort dans le monde des donjons. Et je trouve que il y a quelque chose de l'ordre vraiment du capitalisme des sentiments là-dedans. Genre, j'ai une vie sentimentale parce que je sais que ça va rendre mon persona plus fort dans l'autre monde. Qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça? Ça va peut-être être très cynique ce que je vais dire, mais est-ce que l'adolescence c'est pas un peu ça au final? C'est-à-dire que j'ai eu peur quand on est au collège ou au lycée, il y a pas des gens, ou enfin peut-être pas tout le monde, mais il y a pas une majorité de gens qui essaient d'être avec les gens cool parce que ça leur apportera des points de charisme auprès des autres, essaient de faire des choses parce que ça, enfin font du sport parce que ça les rend plus intéressants ou apprennent quelque chose. Il y a ce côté dans l'adolescence réelle, en fait, il y a un peu ce comme on se cherche. De toute façon, on va d'abord commencer par se chercher en cherchant en se positionnant par rapport aux autres. Donc soit les gens avec qui on va admettre qu'on n'a pas envie d'être ami avec eux, soit les gens à qui on va essayer de plaire ou avec qui on va essayer de développer des relations. Donc il y a petit peu de ça. Ouais, c'est peut-être très cynique, mais Persona est un jeu qui montre l'adolescence dans toute sa ses réalités, quoi, dans toute sa complexité. Donc effectivement, il y a ça, mais il y a le fait aussi que au fur et à mesure, moi c'est un peu l'inverse en fait que j'ai vécu. C'est plus le côté au début, je commençais par me dire il faut que je vois un truc parce qu'il est pas assez fort dans les donjons, donc du coup il faut que je développe ça. Et puis après, en fait, en faisant ça, on finit par s'attacher à eux parce que les séquences, le temps qu'on passe avec eux en fait dans le jeu, c'est pas juste vous êtes rentré dans un restaurant avec truc et vous êtes ressorti, c'est vous rentrez dans le restaurant et vous allez avoir une conversation. Et vous allez apprendre des choses sur lui et même des choses des fois des secrets qu'on va s'échanger, des vécus qui sont pas toujours faciles à raconter, des choses comme ça. Et donc on commence en fait en faisant ça un peu pour développer les personnages et puis en fait on finit par vraiment s'y attacher parce qu'on se dit tiens je m'intéressais à cette personne par pur intérêt personnel au départ, mais en fait c'est quelqu'un qui est un être humain comme moi, qui s'est posé des questions similaires à ce que je me suis posé, et voilà. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de la familiarisation qui vient derrière, c'est-à-dire que je sais qu'il y a on peut pas tout faire dans Persona, on peut pas compléter le jeu à 100% dès le début. Donc forcément, on finit par comprendre ça et on va faire, bon, moi il y a des personnages, au bout d'un moment, je peux plus les voir, hein. Enfin, ils sont sympas, mais c'est des collègues, quoi. Il y en a d'autres, par contre, je suis vraiment pote avec eux. Et donc, je vais pas hésiter à en délaisser quelques autres quand un personnage me dit, ça serait bien qu'on sorte ensemble cet après-midi. Je suis, non, bah, désolé, j'ai autre chose à faire. Et comme dans la vraie vie. Et je trouve qu'en fait, ça, le fait de faire des choix entre des gens par rapport à notre sensibilité aussi, c'est terrible, mais ça rajoute un peu de réalisme. Alors oui, on le fait pour les stats, mais on le fait aussi pour écouter des bonnes histoires avec des personnages sympas. Alors dans quelques instants, Grégory Wallon, qui est à la technique aujourd'hui, va lancer la virgule, j'aime pas. Et il faut savoir que Grégory et ses collègues lancent des centaines de virgules sonores chaque jour, dans beaucoup d'émissions, sans qu'aucune d'entre elles ne soit jamais blessée. Voilà, au nom de toutes ces virgules, je tenais à vous rendre hommage. Grégory, c'est à toi. Et c'est donc le moment où on joue le rôle de l'avocat du diable avec Persona. Qu'est-ce qui est moins réussi? Qu'est-ce qui peut être déplaisant dans Persona? Rapide tour de table. Alors, Thomas Erquette? Pour être très franc, et c'est pas être l'avocat du diable que le dire, c'est vrai, il y a des passages qui sont homophobes et transphobes et grossophobes. Il y a des petits problèmes, il y a des problèmes dans les jeux vidéo concernant les identités, dans Persona 4 notamment. Il y a jeux vidéo japonais particulièrement, évidemment. Mais dans Persona 4, par exemple, c'est pas un spoiler, mais il y a un personnage qui va chercher son identité et qui se questionne. Et on a l'impression, arrivé au bout de sa quête, que il a accepté ça. Et en fait, ça se passe pas exactement comme ça. C'est le jeu vidéo nous dit oui, non, finalement, c'est un peu comme avant. Il a juste accepté que c'était bizarre. Non, allons au bout du délire. Le problème, c'est que Atlus a des vrais problèmes avec l'homophobie, la transphobie et la grossophobie. Et c'est compliqué. On espère que ça va aller mieux, mais voilà, faut le savoir avant de commencer. En le même jeu. Temps, tous les personnages japonais restent quand même extrêmement androgynes. Et androgynes, oui. Et leur ligne est jamais très définie, ce qui, bon, contrebalance un peu le truc général. C'est, mais y a dans une les dessins animés japonais, il y a toujours eu comme ça une limite avec laquelle ils ont. Mais même pour Persona 5, Atlus a même fait un communiqué officiel dans les traductions, parce qu'il y avait deux, trois conversations d'un des personnages dans Persona 5 qui se retrouve dans un quartier rouge de Tokyo, et où il rencontre des travestis. Et la manière dont les travestis étaient dépeints, et la conversation qui s'ensuivait, et la peur suscitée par ces personnages-là chez l'individu, pouvait vraiment amener à se dire, mais vous avez un problème avec quelque chose qui n'est pas effrayant. Donc, ils ont fini par le dire, oui, on n'a pas été très subtil là-dessus, on va essayer de faire mieux, mais c'est vrai que ça existe, ils en ont parlé. Olivier Bénis? Si je devais me faire l'avocat du diable, Persona, c'est quand même très compliqué. C'est-à-dire que ça s'arrange petit à petit, il commence un peu à s'ouvrir à de nouveaux publics, comme je disais, mais il y a quand même des passages où il faut réussir à attraper tel persona qui n'apparaît que tel jour, qui est sensible à tel type de magie, qu'il faut fusionner avec tel autre pour obtenir. Ça devient quand même très très vite tentaculaire. Alors, c'est extrêmement bien fait, la progression dans le 4 et le 5 en particulier, on sent qu'il y a un effort quand même pour faire venir les gens. Mais je peux comprendre que des joueurs qui sont pas forcément au moins un petit peu ouverts à tout ce qui est du jeu de rôle, un petit peu dans ce que ça a de plus, lancer de dés et fiches de caractéristiques, puissent un petit peu bloquer dessus. Après, c'est enrobé dans tellement de choses beaucoup plus cool et beaucoup plus détentes et tout que voilà, ça passe un peu mieux. Bérangère Prévost? Eh ben, tout simplement, à part quand on est... les fans de jeux de rôle japonais sont habitués à ça, mais c'est vrai quand on n'est pas habitué, les 9 heures de tutoriel au début, enfin, je veux dire, le jeu met vraiment 9-10 heures à ce qu'on prenne vraiment commande du personnage. On est quand même au début dans une très très longue cinématique où on appuie plus ou moins sur les boutons, on a un petit peu de décision, mais ça commence vraiment à... On est vraiment spectateur du début de l'histoire. Ah ouais, très narratif. Et ça dure 10 heures. Puis on subit donc ça, beaucoup. Effectivement, si on n'est pas prêt, c'est dur. Voilà ta chambre. Je te laisse des draps pour ton lit. À toi de ranger cette chambre. On m'a expliqué ta situation. Arrêtez pour agression, hein. On ne dirait pas. Non, en fait, j'ai juste... Je me fiche de ta version. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Tu t'es retrouvé avec un casier, puis le lycée t'a expulsé. La justice t'a fait changer de lycée, et tes parents ont accepté. En gros, on m'a refilé la patate chaude. Mais garde ça pour toi. Je ne veux pas faire fuir mes clients. Ta probation sera levée dans un an, si tu te tiens bien. Ma probation ? Tu es sous ma responsabilité jusqu'au printemps prochain. C'est pour ça que tu restes ici un an. On ira à Sujin demain. L'Académie Sujin est ton lycée. On va rencontrer tes professeurs. Trouver un lycée qui veut bien de toi a été compliqué. Oui. On vient d'entendre dans l'extrait cette notion d'une année scolaire et on n'en a pas encore parlé. L'ennemi principal de Persona, avant même de parler des boss des donjons, c'est le temps. C'est tout est rythmé au rythme du calendrier d'une année scolaire. Et donc en fait, chaque jour, il faut faire un choix. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais dans le donjon pour avancer et battre des créatures ? Ou est-ce que je travaille mes relations sociales à l'extérieur ? Ou est-ce que je révise parce que les examens sont dans 15 jours et ça serait quand même drôlement bien que j'ai une bonne note ou ce genre de choses. Il y a cette idée de faire un choix dans Persona qui n'existe pas dans d'autres jeux de rôle. Généralement, le boss de fin, il attend et il vous laisse monter en niveau autant de temps que vous voulez. Il bougera pas de son château. Il attend juste que vous soyez suffisamment fort. Il commence à détruire le monde quand vous arrivez à la porte. Ouais. C'est sympa. Ils sont sympas. Il y a une dimension complètement différente dans Persona. Je me suis fait avoir comme ça. Mais est-ce que finalement l'adolescence c'est pas aussi des choix ? Ça va être ma réponse à tout en fait. Non, je rebondis sur ce que disait Bérangère justement sur le côté quand on commence on a envie d'aller très très vite dans le jeu parce que le jeu est très cool et qu'on a envie de progresser et tout. Et ça fait partie de ces rares jeux je trouve où la temporalité du jeu en fait a presque besoin d'être calquée sur votre propre temporalité. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qu'on peut on peut le faire, on peut le finir en une semaine si on veut en faisant que ça, mais c'est un jeu qui nécessite vraiment de dire allez, je vais m'arrêter parce que là c'est la fin de la journée et puis du coup je reviendrai demain et demain on ira réviser les examens ou peut-être que j'irai au cinéma et puis après on fait des... et c'est un jeu qui se prête bien justement à ce rythme en fait un petit peu différent parce que comme on disait le temps c'est vraiment le pire ennemi puisqu'il y a des deadlines, il y a des dates précises en fait à des moments où il se passe quelque chose qui va changer profondément l'histoire qu'on voit plus ou moins venir, c'est des petites astuces scénaristiques. Par exemple, on sait que quand on doit affronter le premier professeur dans son donjon intérieur, on sait que tel jour, il y a un conseil de classe et il va nous faire virer. C'est vraiment ce jour-là. Et donc, on sait qu'il faut réussir à agir. Déranger opinion du chef. Voilà, agir et changer moi. Son... Je me suis fait virer et j'étais renvoyé 6 jours plus tôt dans le jeu, ce qui fait que j'ai perdu 6 heures de jeu. Ah ouais, j'ai pris très très cher. Là, j'étais... Ah oui, parce que donc... C'est très punitif. Oui, vous avez décidé de ne pas... Bah si, mais j'ai fini la veille du jour de mon renvoi et je pensais que c'était bon et en fait le lendemain matin je devais envoyer une carte retourner à l'intérieur et en fait le lendemain matin on est venu m'arrêter, on m'a tiré une balle dans la tête et on m'a dit le conseil de classe au Japon c'est très brutal et on m'a proposé le choix soit de retourner au menu principal soit de repartir 7 jours plus tôt dans l'histoire. Ce qui m'a donné un petit glaçon dans le dos. J'avais pas vécu ça depuis 1999 dans un jeu. Mais Bérangère, rassurez-moi, vous faites plusieurs sauvegardes. Mais non, vous écrasez toujours. Alors ça, je donne un conseil aux auditeurs qui jouent aux jeux vidéo. toujours faire plusieurs sauvegardes, 3, 4, vraiment, c'est très mauvaise expérience. J'en avais 3, 4, mais 3, de la même journée. Voilà. Et j'ai, non, je me suis retrouvée vraiment mal, quoi. Ah oui, bah, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a vécu l'expulsion. Ouais. Alors, sachant pourtant que le jeu vraiment donne de très grosses alertes quand on commence à arriver 3-4 jours avant. Rebelle, hein. Les autres personnages du jeu disent bien attention, il reste 3 jours, il faut qu'on y aille. Non, je me disais j'ai mon temps, je vais aller faire un peu de sport, je vais m'acheter des belles armes. Mais ça c'est comme les impôts hein, quand ils vous disent vraiment ce soir à minuit il faut arrêter avec la déclaration, faut pas jouer au plus malin. Hein. Ils sont toujours gagnants. Ah bah là ils ont gagné. Ce qui est super intéressant avec ces dates précises qu'il faut respecter aussi, c'est que c'est une astuce de jeu, certes, pour immerger le joueur, c'est aussi quelque chose de très malin par rapport à la manière dont est racontée l'histoire dans son scénario. Parce qu'en fait, il faut savoir que Persona 5, en particulier, commence par la fin. Enfin, commence par très très loin dans le jeu. On commence par vivre quelque chose qui arrivera des mois et des mois plus tard dans l'histoire. Et tout le jeu, ou toute la grosse première partie du jeu, est un flashback. Donc un flashback, ça implique qu'on sait qu'à telle date, il va se passer ça, on va échouer et on va se retrouver coincé après avoir fait tout ce qu'on a fait auparavant. Et donc en fait, il faut aussi coller scénaristiquement à tout ça. Et je trouve que c'est intéressant dans la narration du jeu de dire aux joueurs, voilà, en fait, tu as pas tant de marge de manœuvre que ça parce que mon scénario, il doit arriver ici. Donc fais ce que tu veux dans l'intervalle, mais il faut que tu arrives à ce point-là pour qu'on puisse ensuite poursuivre l'histoire, parce qu'évidemment ça continue après et il se passe beaucoup de rebondissements. Alors avec Persona, on est vraiment au summum des stigmates du manga japonais. C'est-à-dire que c'est des étudiants japonais filiformes avec des mèches de cheveux hyper stylées, des mascottes kawaii, il y en a dans tous les épisodes. Qui parlent très très fort. Qui parlent très très fort. Teddy dans Persona 4, Morgana dans le 5. On est sur une charte graphique qui est proche du manga Death Note pour ceux qui connaissent ou Bakuman. Et il y a la musique. On n'en a pas parlé, mais qui a des petites sonorités J-pop comme ça. Très jazzy. Très jazzy. Et en fait, il y a même beaucoup de cosplay qui sont désormais faits autour de Persona. Et en fait, finalement, je me demande, est-ce que Persona n'est pas la quintessence de la culture japonaise dans son ensemble? Aujourd'hui, il y a un manga Persona, il y a un animé, mais est-ce que finalement, ce jeu, c'est pas le Japon, purement et simplement? Dans ses formes, oui. Sur le fond, je pense que c'est très universel en fait. Il y a cette surcouche de vernis qui est très japonaise dans la manière dont sont développés les différents univers. C'est vrai, il y a du manga, il y a de l'animé, il y a des choses comme ça. Mais sur le fond, c'est mondial quoi. C'est vraiment des thématiques qu'on peut comprendre, enfin que tout le monde peut comprendre, je pense, dans tout pays. Et avec un regard critique aussi. Ouais. Ça fait des références à beaucoup beaucoup de choses, à beaucoup de mythologies, à beaucoup d'écrits occidentaux, etc. Donc ça mélange énormément de choses et en même temps, c'est extrêmement japonais. Enfin moi, je me prends une dose de Japon énorme quoi. Ouais. C'est effectivement pour moi c'est la quintessence du manga perso. Il y a quelque chose dans Persona. Je sais que quand on a grandi avec des mangas, on a grandi avec Dragon Ball, etc. Et je connais plein de gens autour de moi qui ont commencé à avoir un goût pour le Japon à partir de ça. Alors que ce sont des œuvres qui parlent pas forcément du Japon en tant que tel. Et moi, ça n'a jamais été mon cas. Par contre, après Persona 4. Alors, Persona 5 se passe à Tokyo, Persona 4 se passe dans un petit village de campagne au fin fond du Japon. Très ambitieux. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir voyagé et maintenant j'ai très envie d'aller au Japon pour voir ça en vrai, parce que c'est quand même assez fidèle quand ils reproduisent Shibuya et le fameux carrefour qu'on voit partout dans Persona 5. Bah, c'est un ancrage réaliste qui est hyper important. Et pareil, dans Persona 4, il y a cet ancrage très territorial, ça parle vraiment du Japon. Et vous disiez que le temps était peut-être le plus grand monstre de Persona en général. Je pense que son personnage principal, c'est le Japon. Oui, je suis complètement d'accord. Ah, et il me dit ça avec des étoiles dans les yeux. Il est très très fier de lui. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est, oui, effectivement. Il y a quelque chose aussi dans... Bon, bah ok, c'est pas le temps. Dans les archétypes. Il y a quelque chose aussi dans l'aspect visuel global. Il y a une esthétisation de tout, en fait, qui est très japonaise. Et je pense en particulier à un truc, alors j'espère que je vais réussir à bien l'expliquer, mais dans Persona 5, l'interface elle-même est extrêmement élégante. Tout est très élégant, au point qu'on parlait de cosplay tout à l'heure. Il y a des gens qui se déguisent dans les personnages de Persona, mais il y a des gens qui se déguisent en menu de Persona. J'ai déjà vu des photos de ça. Et en fait, peut-être réussi à gagner des auditeurs et à la une de partout. Et en fait, c'est intéressant parce que ça pousse jusqu'au bout la manière dont on raconte une histoire en jeu vidéo. C'est que très souvent, dans le jeu vidéo, par rapport au cinéma, ce qui bloque toujours un petit peu dans l'immersion, c'est l'interface. C'est le fait qu'on a besoin de menus, de choses comme ça, pour que les gens sachent ce qu'ils doivent faire, en fait. Et dans Persona, au lieu de faire comme le font beaucoup de jeux, c'est-à-dire effacer le plus possible l'interface, au contraire, ils sont allés à fond, l'interface est partout, mais elle fait partie de l'œuvre, en fait. Et c'est ça qui est génial. En plus, c'est, pardon, Juste, on va envoyer la musique parce que le temps passe. Dans quelques instants, c'est le jeu qui amène de la joie dans le cœur du participant, mais de l'angoisse dans le mien, parce que justement, on l'entend, hein, ça signifie qu'on se rapproche de la fin. Donc avant ça, histoire de me préparer un petit peu, on écoute Woodkid avec Pale Yellow. The dragon let the fluid go. Just make the liquor flow. Pale yellow, as my heart races, I wanted you to know. I will rise again, slow. C'était Pale Yellow de Woodkid et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Geoffroy au téléphone. Bonjour Geoffroy. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes joueur de Persona ? Alors, j'ai une histoire particulière avec Persona. Allez-y. J'en ai pas fait un seul. C'est une histoire. Très bien, Geoffroy, vous êtes vraiment l'homme de la situation. Le P5, je l'ai vu 5 fois, donc 2 fois en japonais, partiellement P3, partiellement P4G. Il faut savoir que j'ai une relation un peu bizarre avec le jeu vidéo. Il y a 6 ans, 2014, Olivier Bénis fait une petite chronique sur le site internet de France Inter en disant « Un streamer fait un marathon. Il va jouer un jeu de 95 à 2010, si je me trompe pas. Un jeu par année, allez voir. Ce streamer s'appelait Isangwen, et depuis j'ai découvert une super communauté de joueurs de jeux vidéo. Nice. Mais il est très très fier, il a rougi, il écrase même une larme. Bon, alors vous écoutez régulièrement Blockbuster ? Oui. Donc ça serait terriblement insultant de vous rappeler les règles, non ? Oh, mais on ne sait jamais, il y a toujours des nouveaux. Là, j'ai un Discord. Alors, c'est simple. Je découvre l'émission à cause de Persona. Ok, alors, je vais vous poser des questions. Vous avez 25 secondes chrono pour répondre. Et si jamais vous n'avez pas la réponse, n'ayez crainte. Vous pouvez faire appel à un joker qui vous permettra de choisir quelqu'un qui répondra à votre place. Ça marche. Première question. Comment s'appelle le Persona, justement, de Joker dans Persona 5 ? Arsène. Bonne réponse. Question suivante. Combien y a-t-il de membres parmi les voleurs fantômes dans Persona 5 Royal? 3 membres? Ah, dans Royal. 10 membres? Ou bien 8 membres? Ah, il y a un petit piège. Faut tous les recompter. c'est long. 3, 10 ou 8? Je dirais qu'il y en a 8. Eh bien, vous diriez bien, c'est une bonne réponse! Oui, logiquement, ils sont 10, mais il y en a 2 qui n'ont pas rejoint officiellement le groupe. Je vais pas en dire plus. Dernière question, qui parle dans cet extrait de Persona 4 que vous allez entendre? Alors, Geoffroy? C'était dit l'ours en peluche. Eh bien, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste placer un petit bonjour? Tout petit, rapide. Okay. Rapide. Allez-y. Tout petit. Bonjour la mafia des flancs et bonjour aux chocopins. Merci bon à vous, Geoffroy. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors, très rapidement, est-ce que vous avez justement, vu qu'on a parlé de jeux de rôle très très très marqués, très caractérisés comme Persona, est-ce que vous avez un conseil, un autre jeu vidéo, voilà, une petite pépite que vous avez envie que les auditeurs découvrent? Thomas Hercouette? Ah, Xenoblade Chronicles Definitive Edition sur Switch. J'allais dire Greenfield Adventure, sinon pour les amateurs de jeux de rôle, mais sinon Xenoblade qui est un jeu qui est plus une invitation au voyage qu'autre chose. Bérangère Prévost? Alors moi, je suis en plein Divinity Original Sin 2, oui, que je démonte, voilà, et que j'ai recommencé déjà, et c'est une tuerie. Olivier Bénis? Moi, souvent l'été, je fais un peu de rétro gaming, donc je suis en train de me replonger dans Chrono Trigger, meilleurs jeux de rôle japonais jamais créé. Si vous aimez les mangas, parce que c'est Akira Toriyama, donc le créateur de Dragon Ball, qui a dessiné les personnages, et si vous aimez Retour vers le futur, c'est entièrement fait pour vous, et c'est disponible sur à peu près toutes les plateformes maintenant. D'accord, écoutez, c'est parfait. Et puis, si jamais moi je vais conseiller quelque chose, j'ai pas besoin de le dire parce que je vais bientôt en faire un blockbuster dessus. C'est un petit jeu indépendant qui s'appelle Last of Us. J'ai entendu. Ouais, un truc un peu indépendant. Mais voilà. Les gens l'aiment. Ils vont faire une suite. Je sais pas. Bah oui, je vais essayer d'aider. Hein. On essaie d'aider comme on peut. c'est la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes. Merci Olivier Bénis. Merci Thomas Hercouette. Merci Bérangère Prévost. Merci frère. Comme toujours, je le rappelle aux auditeurs, si vous le désirez et même si vous voulez participer au jeu, vous nous laissez un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission, et il y a également le Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. On se retrouve demain pour parler d'un livre à succès devenu un jeu vidéo à succès, lui-même devenu une série à succès. On parle du sorceleur The Witcher.